service, les yeux partent à l'armée, déserteurs discrets, aux pupilles dilatées. Quoi qu'il en advienne, faudra se soulever pour ne plus que ça saigne, s'embraser. Fire of yours is going to fall. I advise to stop the machine. Fire of yours is going to fall. I advise to stop the machine. Des airs de police maudissent l'insurgé, s'empare de malice, nos fils en liberté. Quoi qu'il en advienne, la force est de décrocher de tout ce système, s'évader. Fire of yours is going to fall. I advise to stop the machine. Fire of yours is going to fall. I advise to stop the machine. Quoi qu'il en advienne, l'illusion d'une pensée sculpte sans aucun problème un décor formaté. Quoi qu'il en advienne, l'illusion d'une pensée sculpte sans aucun problème un décor formaté.